tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kerfranc avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, Génération ZAD, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Alors pourquoi on vous raconte ça? Eh bien parce qu'on a fêté en avril 2021 les 50 ans de la lutte du Larzac. Et puis parce qu'en 2018, l'État renonçait à construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sur l'emplacement duquel s'était installée une ZAD devenue un laboratoire permanent. Et dans vos oreilles aujourd'hui, une évacuation des dons, des camilles, des vaches, des drones et un jeune homme venu se cacher dans la ZAD et qui désormais y regarde grandir ses enfants. Mais pour commencer, troisième épisode... Pourquoi on s'installe? Moi, ce qui m'a fait rester ici, c'est l'idée de enfin habiter en lutte. Ça veut dire que le quotidien de la lutte et de l'habiter sont inséparés. Dans tous nos gestes quotidiens, il y a du politique, dans la manière dont on relationne, dans la manière dont on s'organise, dans la manière dont on se parle. On n'est pas sur une zone autonome temporaire, on est sur une ZAD qui continue de se construire et de cohabiter, quoi. Donc pour moi, ouais, ça reste une ZAD. Déjà, c'est un lieu où on défend beaucoup de choses, notamment le fait d'être... autonome, qui fait partie pour moi une des valeurs phares hors système, de montrer que l'entraide c'est quelque chose de viable. Peut-être que c'est moins une lutte contre qu'une lutte pour. Des conflits très durs, on en a vécu. Et les gens qui restent, on s'est fait ce pari de garder cette dynamique ensemble, de continuer à gérer collectivement les terres issues du combat contre l'aéroport. Et on a une lutte encore aujourd'hui qui a changé de forme, qui est de l'autodéfense administrative, qui est quelque chose qu'on ne savait pas faire. Et des gens qui faisaient partie de ce mouvement plus large contre l'aéroport, deux semaines après l'annonce du Premier ministre qui dit que l'aéroport ne se fera pas, nous disent « Mais alors ça y est, vous allez rentrer chez vous ?» Sans capter qu'en fait ça fait des années et des années qu'on vit là, qu'on y a mis toute notre vie, tout notre corps, et qu'il n'est pas question qu'on parte pour un seul instant. Génération ZAD, Notre-Dame-des-Landes, après la victoire, le laboratoire. Par Alain Lefkovitch et Marie-Laure Ciboulet. C'est une carte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a été dessinée par un collectif de graphistes illustrateurs de Nantes. Donc c'est une carte subjective, c'est-à-dire que tu as à la fois les différents collectifs qui s'y trouvent, parce que en fait on dit la ZAD, mais ça n'existe pas. La ZAD, c'est un ensemble de collectifs. Et tu vois à la fois le nom des endroits, des lieux de vie, les lieux de vie qui ont été détruits par les gendarmes lors de l'expulsion de 2018. Le lieu historique, par exemple la châtaigne, tu vois, là, qui est en centre ZAD. Tu vois, les espèces, là, par exemple, il y a le triton de Blasius. Voilà, ça représente un peu cette idée d'alliance entre humain et non-humain. Là, tu vois, tu as un petit gendarme qui est pris dans une sorte de marécage et qui est enfoncé dans l'eau, là, jusqu'à la taille. Ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'outre le fait qu'elle est assez jolie, c'est qu'il y a, tu vois, elle est reliée, en fait, à d'autres mouvements et d'autres histoires. Donc, le mouvement des sans-terres, il y a la lutte du Larzac, la lutte de Plogoff. Et donc, c'est une carte des amitiés militantes. Le 17 janvier 2018, après 50 ans de tergiversation, le gouvernement d'Édouard Philippe abandonne le projet d'aéroport du Grand Ouest de Nantes. La plus emblématique des ZAD de France, la ZAD de NDDL, Notre-Dame-des-Landes, remporte une victoire historique. Mais on résiste, main dans la main, expulsons leur bande de pantins. La zone à défendre n'est plus, vive la ZAD. Près de 15 ans d'occupation de 1600 hectares de bocage, voués à la bétonisation, ont eu raison de Vinci. Et après? Là, on va aller faire un petit tour près du Limambou. On va aller voir la ferme de Bellevue qui a été occupée à la fin de la première opération d'expulsion en 2012. Elle a été occupée par des paysans. Et c'est devenu une des fermes collectives de la ZAD, à côté de laquelle s'est construit le hangar de l'avenir qui a été fait par 80 charpentiers traditionnels qui ont taillé des arbres et des poutres à la hache et qui ont construit un hangar qui est magnifique, qui sert maintenant de lieu où se construisent les nouveaux habitats de la ZAD. C'est la menuiserie cirée. Si la question de la propriété des terres n'est toujours pas réglée et que l'avenir reste incertain, NDDL s'est apaisé pour devenir un lieu d'expérience de vie libéré des dominations, un lieu où la culture est en mouvement, protéiforme. De Gonesse au Carnet, en passant par Wabon et Bure, beaucoup ont fait leur classe à NDDL, sorte de phare, d'épicentre, d'université, de forum où les savoirs s'échangent, se prodiguent. On va passer voir la bibliothèque et le phare et l'espace d'accueil à la Rolandière. Y a l'envie de monter sur le phare pour prendre un peu de hauteur et voir comment ça se passe autour. Un lieu de convergence des luttes environnementales et sociétales. Une expérience post-capitaliste, unique en son genre, où tout le monde s'est un jour appelé Camille, prénom non genré. Tout le monde devenait ainsi anonyme, tandis que l'État tenait désespérément à savoir qui ils étaient. Et puis on va passer à Planchette, à l'école des Tritons. Alors ça c'est le long de la D280, qui est la route sur laquelle pendant des années il y a eu des formes de barricades, de tours de guet. Comme le montraient il y a 10 ans John Jordan et Isabelle Frémaux dans leur ouvrage « Les sentiers de l'utopie », Notre-Dame-des-Landes est une zone d'expérimentation de vivre autrement. On y mange, on y habite, on y invente, on y cultive, on y échange, on y décide des choses collectivement. On s'y rebelle et on y aime totalement autrement. Nos premiers pas après la victoire. Benoît, notre guide, nous ouvre les portes de ce laboratoire. Ici, vous êtes au Sans Nom et moi, je fais partie d'un collectif où on est 10 personnes à habiter ensemble avec des activités assez variées. Il y a des gens qui sont plus sur la prise en charge et le soin de la forêt, d'autres qui font de la boulangerie, de la scierie, du bois, de l'élevage de brebis. On est tous chacun aussi impliqués, on pourrait dire, dans les structures communes du mouvement. Bon, voilà, vous découvrirez peut-être ça. Je vais vous montrer une petite carte. Ce que je pourrais vous dire, c'est que déjà, on est à 20 km de Nantes, si on parle de topographie du territoire. C'est assez important. C'est une grande ville dans laquelle c'est possible d'organiser des manifestations. On n'y a pas coupé. Il y a un tas de gens qui se mobilisent. C'est aussi pour ça qu'ils veulent mettre un aéroport dans cette campagne. C'est parce que c'est près de Nantes. Et en fait, c'est un territoire de bocage qui, paradoxalement, a été plutôt mieux préservé qu'ailleurs parce qu'il devait être détruit, quoi. C'est-à-dire il était figé, il a été comme vous voyez mis sous cloche depuis les années 70 quasi, où c'était pas possible officiellement pour des nouveaux paysans de s'installer. Donc il n'y a pas eu les mêmes types de remembrements qu'il y a eu ailleurs. Il y a moins de haies qui ont disparu, on a gardé plus de petites parcelles. Du coup, on est principalement sur des champs, des prairies, des haies, beaucoup d'élevage, hein, c'est la forme d'agriculture là, voilà, traditionnelle, historique sur ce territoire-là. Et on a une forêt au centre. Et en tout cas, voilà, la ZAD, c'est 10 km sur 2 et avec des fermes historiques qui étaient relativement dispersées sur l'ensemble du territoire. Et le mouvement d'occupation, quand il a commencé à s'installer, à partir de 2007, puis de manière croissante, 2009, puis après 2012, on a cherché à se dire, pour bien protéger un territoire, autant y être réparti de manière assez éparpillée. Et du coup, soit on a continué à reprendre, restaurer des anciens bâtiments historiques, soit on a construit des maisons, des cabanes à différents endroits. Et voilà, là, on va aller voir la scierie. C'est en gare de l'avenir, il se construit petit à petit. Vous voyez, là, il est encore inabouti. Et en fait, il se construit par le biais de chantiers-écoles, ce qui est une dimension assez importante pour nous sur la ZAD aujourd'hui. C'est que nous, on est arrivés avec pas énormément de savoir-faire pratique, en se disant, bon, les modes de production capitalistes ne nous vont pas. On voit qu'ils sont en train de pourrir ce monde, qu'ils sont aliénants. Et en même temps, mais alors comment on produit à manger autrement? Comment on construit autrement? Comment on cultive autrement? Et la ZAD, ça a été une école incroyable pour ça, quoi. C'était un endroit où tout d'un coup on disposait de terre. Enfin, on dit souvent que la bataille foncière est à la croisée de deux questions cruciales aujourd'hui, qui est la bataille sociale pour la réappropriation des moyens de production et la bataille écologique pour le soin de la terre et du vivant. Et nous, on a disposé d'un foncier pour repenser notre lien au vivant, mais repenser aussi la question dont on pouvait se réapproprier des moyens de production. Et ici, c'est un lieu sur lequel des centaines de personnes, des dizaines, se sont formées à petit à petit devenir paysan, savoir cultiver des champs, savoir faire du bûcheronnage, prendre soin de la forêt, construire des maisons, se former à des savoir-faire sur lesquels l'aboutissement n'était pas forcément d'être engagé dans une entreprise en tant que salarié avec un patron, mais pouvoir produire collectivement avec peut-être des moyens mis en commun, des fonds mis en commun et une production qui ne soit pas destinée à de la consommation classique avec d'autres critères éthiques. Et voilà, on peut entrer dans le hangar. Et bah là, il y a deux amis qui, qui font une charpente. Vous êtes charpentière de formation ou pas du tout, vous avez appris ici? Non, je suis en formation de charpente par contre, avec le copain qui est derrière, qui a accepté de me former cette année. Pauline. Moi, je sors d'un master en aménagement du territoire. Du coup, je m'orientais plutôt sur de l'urbanisme et il s'est passé la ZAD à un moment. J'ai bossé pour la première fois à l'étranger, c'était mon premier contrat. Et quand je suis rentrée en France, je me posais déjà mille questions sur ce que c'est l'urbanisme en France et l'aménagement du territoire. Ce que ça veut dire de dépossession pour les gens, de contrôle, voilà. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver du travail. Et pendant mon année de chômage, je suis passée à la ZAD avec une amie qui m'a emmenée. Et puis ça a été le coup de cœur. Du coup, j'ai déménagé. Et puis voilà, en fait, ça fait 7 ans que je suis là. Du coup, c'est un peu la même histoire que plein de gens, quoi. Je suis venue découvrir et puis je me suis fait attraper. C'est une sorte de virus quand on, parce qu'on a du mal à comprendre. Parce que c'est quoi la magie? Waouh. Toute la liberté qui se reconquiert ici, sur tous les aspects de nos vies, et tout est possible et tant qu'on en a envie, quoi. Alors, au bout de 7 ans, vous avez le sentiment d'avoir remis le sens au centre de votre existence? Ah bah c'est sûr que moi, je faisais partie des gens qui étaient hyper tristes. Je vivais en ville, je cherchais un boulot pour faire principalement plaisir à ma famille. Ça ne correspondait pas du tout à la vie que j'avais imaginée pour moi. Et les gens m'imaginent précaire à l'heure actuelle, alors que moi, je ne me suis jamais sentie aussi stable et aussi sûre de ce que je suis en train de faire, quoi. Pourquoi est-ce que les gens vous considèrent comme précaire? Eh ben parce que, par exemple, moi, mon espace vital, c'est encore une caravane. C'est des maisons qui sont partagées. Effectivement, on n'a pas de salaire. Voilà, enfin, il y a tout ce truc de l'après, de quand on sera un peu moins jeune, peut-être. Mais voilà, moi, c'est un pari sur le maintenant, plutôt que travailler pour parier sur une retraite éventuelle. C'est quoi le modèle économique quand on n'a pas de salaire, quand on a... comment on vit? Bah, d'une part, je pense qu'il y a des besoins économiques qui sont bien moindres ici. On est beaucoup moins porté, ne serait-ce que sur l'habillement ou l'aménagement. Vous voyez, on porte souvent des fringues de free shop, de recyclerie. Enfin, on est beaucoup dans la récup et ces choses-là. On est une partie à être au RSA. On est une partie encore aussi à travailler, mais de façon plus épisodique. Et en fait, le partage et le fait de mettre nos forces en commun à des endroits. Par exemple, je pense au maraîchage. Les copains qui sont installés en maraîchage, qu'on va aider, ça nous fournit quand même une très bonne partie des légumes de l'année. Et c'est un peu pareil sur la viande. Du coup, combiné de descendre les besoins et d'augmenter le partage et le travail collectif, ça fait quelque chose qui est, à mon sens, plus qu'acceptable. Et alors, comme vous racontez ça justement à votre famille, qui vous avez enfermé dans un modèle bien particulier, comment ils prennent la chose? J'imagine que vous les voyez de temps en temps. Ouais, bien sûr. Moi, je viens d'une famille assez classique. Du coup, ça a été très compliqué pour eux au début. Et pendant encore quelques années, ils demandaient souvent quand est-ce que j'allais rentrer, si c'était bon, voilà, j'avais fait mon expérience, etc. Mais ils viennent tous les ans, et tous les ans, du coup, il y a plus de choses à leur montrer, les projets qui prennent de l'ampleur, qui s'installent, les gens qui sont un peu stables, voilà, donc ils les voient évoluer aussi. Et je pense que maintenant, ils se rendent vraiment compte de la richesse de ce qu'on est en train de vivre ici. Et que moi je suis vraiment très heureuse, et donc je pense que ça va finir par leur suffire, même s'ils continuent de s'inquiéter parce que ce sont des parents. Ils voient qu'on est vraiment hyper épanouis ici et que ça a vraiment du sens. Enfin, la démonstration, elle est en acte, quoi. Dites-moi, où est-ce qu'on est ici? Ici, on est à la ferme de Bellevue, qui était occupée par les paysans fin janvier 2013. Camille. C'est une ferme qui était en activité jusqu'en décembre 2012 et qui devait être détruite. Et quand on a eu l'information qu'elle devait être détruite, on est arrivé ici un dimanche après-midi. On a ceinturé la ferme de tracteurs et on a occupé la ferme avec un collectif de paysans qui à l'époque était opposé à l'aéroport. Du coup, moi je me suis déclaré habitant ici. Étant du monde agricole, du coup, une dizaine de jours plus tard, il y a des vaches qui ont été amenées ici pour maintenir le fait que c'était une exploitation en activité et qu'elle devait rester en activité. On est en 2021, elle est toujours en activité. Voilà. Et ici, du coup, là, on est à la forge avec Pierrot, qui nous répare nos matériels agricoles cassés. Sinon, ici, vous pouvez trouver une fromagerie et une boulangerie. Et du coup, quelqu'un qui s'est déclaré comme exploitant en vache allaitante ici. Est-ce que dans cette ferme, il n'y a que des gens qui viennent, qui sont issus du monde agricole, qui travaillent, ou alors vous avez formé des néo-paysans ? Ah ben, on a formé un paquet de gens, oui. En fait, avoir des activités agricoles sur zone, on est très peu à être issus du monde agricole. Enfin, moi, oui, mais sinon, les gens se sont formés, ouais. Sur le tas, ici, enfin, vous voyez, ici en 2013, il y a eu des soirées entières avec des paysans, des squatteurs à l'époque, et qui apprenaient la zootechnie, comment traire une vache, soigner une vache, soigner un veau. Oui, il y a énormément de partage de savoir. Alors, à qui vous appreniez ça ? À des ingénieurs ? À des, ouais, c'est drôle. Des gens hachement diplômés. Ouais, il y a des gens qui étaient très très diplômés, du coup, sauf que bah, un animal, c'est un animal, quoi. Il faut être formé pour ça. C'est le propre de la ZAD en fait, on se nourrit tous les uns des autres, quoi, puisque de toute façon on a tous des compétences et des qualifications différentes. Je pense que le monde agricole passera par le fait que des gens comme eux s'installent aujourd'hui, même en dehors de la ZAD. Parce qu'en général, les gens qui sont formés dans le monde agricole, on a une tendance à repartir dans le monde productiviste. Enfin, aujourd'hui, on forme de la même manière qu'on formait dans les années 80 ou 90. Là, on est sur des systèmes moins classiques, plus économes. Là, on est beaucoup installé en élevage, du coup, sur des systèmes herbagés, extensifs, en bio. Enfin, c'est pas un système classique en silage de maïs, en silage d'herbe. Et on a des vaches qu'il faut qu'ils produisent un maximum de lait. Du coup, on appelle le veto toutes les semaines. Enfin, moi, j'ai connu ça. J'ai travaillé dans en conventionnel. Je sais pourquoi je veux pas faire ça, quoi. Et je fais pas le même métier aujourd'hui. Mais je vais être obligé de vous laisser parce que je crois que mon outil est en panne et qu'on n'a pas la solution. Ça va marcher moins bien avec un bras en moins. Vous venez du monde agricole à la base ? Non, je viens pas du monde agricole du tout. Je suis arrivé en 2014 pendant la lutte contre l'aéroport. Je faisais du PTP principalement. Greg. Je suis arrivé complètement fortuitement, j'étais recherché après une manif contre l'aéroport. Et pour échapper à la peine de prison, je suis venu ici pour à l'issue du procès. Et en fait, j'ai pu expérimenter différentes activités agricoles. Quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis mis à l'élevage pour la viande, ce qui a plus de flexibilité quand on a un enfant en bas âge. Et à l'époque, ça répondait aussi au besoin d'occuper le territoire, d'occuper le maximum de surface pour maintenir les activités contre le projet d'aéroport, quoi. Alors vous, c'est un peu comme à la Légion, vous êtes venu échapper à la justice ici. Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai pris un an de prison ferme pour des dégradations pour mes manifs contre l'aéroport. J'ai un gros passif judiciaire. J'ai passé pas mal de temps en prison pour des trucs de droit commun, on va dire, quand j'étais plus jeune. Et du coup, ces antécédents ont fait que j'ai pris cher après une manif. Et avec des camarades ici, on s'était dit que c'était important de montrer que la ZAD pouvait être un refuge dans ce genre de circonstances où il s'agissait aussi de résister à une répression politique de ces manifestations, quoi. Alors vous avez fondé une famille ici à la ZAD. C'est facile de vivre de fonder une famille à la ZAD. Bah c'est un super cadre. Je sais ce que c'est que d'être parent ou parent isolé ou n'importe comment ailleurs. qu'ici, ça n'a rien à voir. Pour les enfants, c'est merveilleux. Ils ont plein de potes. Il y a d'autres personnes qui ont fondé des familles ici. Ils sont à l'école à Notre-Dame, dans le bourg. C'est assez sécurisé. Les activités sont assez ouvertes aussi. Donc, même petits, mes enfants, l'aîné a 4 ans, ils sont tout petits. J'en ai 3. Ils peuvent circuler assez facilement et on est aidé quoi. On n'est pas tout seul, on n'est pas. Ouais, voilà. Comment on fait pour élever une famille quand on n'a pas de salaire? On ne peut pas dire qu'on n'a pas de salaire, c'est juste un fonctionnement un peu différent. Effectivement, on ne se tire pas de salaire pour l'instant parce qu'on a beaucoup d'investissements réalisés au niveau de toutes les activités. Mais la coopérative peut prendre en charge une partie des besoins si les prestations sociales ne suffisent pas. Et après, ce sur quoi on travaille collectivement, c'est sur ce qu'on appelle la provision commune, c'est-à-dire la mise en commun d'un certain nombre de produits de nos activités pour se loger, se nourrir. Et évidemment, les groupements d'achat, un certain nombre de choses qui sont mutualisées, et du coup, qui fait qu'en fait, on a pas besoin d'un SMIC, quoi. Clairement. Ce qui est particulier, moi, dans mon parcours, je pense que ça a été le cas pour d'autres camarades ici, c'est que on a fait des choses dont on est fier. On nous a fait confiance en arrivant ici. Ça, c'est pas évident. Nos voisins, les membres des comités de soutien, les autres paysans du coin qui étaient investis dans la lutte depuis des 30 ans, des 20 ans, des 40 ans, ils ont dit, bon, ok, vous arrivez ici pour occuper le terrain. On vous donne les clés de notre pays, là, et cette confiance, elle nous investit de quelque chose. Alors, comment vous envisagez l'avenir Bah, là, je suis en train de développer la ferme, l'élevage sur la ferme de Bellevue. Il s'agit de créer un outil de travail qui soit transmissible à l'avenir, à l'issue de la carrière. C'est sur du très long terme. J'ai travaillé de mes mains cette terre à l'abandon. J'ai pris des outils, j'y ai construit des maisons depuis 40 ans. Des gens y ont œuvré dans le respect de la vie, de la biodiversité. Mais quelques décideurs et de puissants investisseurs ont décidé de tout défoncer, de mettre du béton et des avions. Vous avez vécu un truc de dingue, enfin plein de trucs de dingue. Je pense que la plupart des gens n'ont pas d'histoire aussi folle que ça dans leur vie, quoi. Michel. Moi je considère que j'ai de la chance. Parce que j'étais disponible au moment de la ZAD pour venir. J'étais disponible dans ma vie, j'étais pas pris par un CDI, des emprunts bancaires. Une vie de famille avec des enfants, enfin, je comprends très bien que plein de gens n'aient pas cette disponibilité-là. Ça n'a pas du tout été sacrificiel pour moi que de venir sur la ZAD. Souvent, les gens, ils comprennent pas, ils ont l'image quand ils pensent à la ZAD du froid, de la boue, de la pluie. Mais en fait, ça va. Qu'on habite dans une maison, dans une cabane, on la chauffe, et on est bien comme partout ailleurs, quoi. La plupart des lieux sont dimensionnés pour habiter à quelques-uns, 10, ça commence à faire beaucoup. Du coup, il n'y a pas trop de lieux qui dépassent la quinzaine d'habitants. Après, moi, j'ai aussi l'impression que c'est une bonne échelle. Ça peut être fatigant si on est trop nombreux. C'est bien aussi qu'on soit un certain nombre. Ça permet une certaine dynamique, une certaine énergie. J'ai pas envie de retourner habiter tout seul ou à deux, quoi. Après, il y a aussi des gens qui ont envie d'habiter juste tout seul ou en couple sur la ZAD, et c'est possible. Et ils trouvent le collectif dans leurs activités. Et du coup, comme ça, t'as le groupe Abracadabois qui fait de la foresterie, le groupe Patate qui cultive des patates sur la ZAD, il y a un groupe Vache, on l'appelle, le groupe Vache qui s'occupe d'un petit troupeau de vaches, il y a le grand troupeau collectif, le groupe Haie qui prend en charge une partie des haies de la ZAD, qui organise chaque hiver des coupes aussi, le groupe de sillage, des boutons, de l'élevage, plein de choses. Comment ça se passe, l'organisation structurelle, la vie en commun? Nous, ici, et dans beaucoup de lieux collectifs, on a ce qu'on appelle la journée collective ou la journée maison. C'est le lundi. Et donc, c'est la journée où on fait le ménage ensemble, on fait du rangement, divers chantiers liés à la maison. Et après, le reste de la semaine, ben, c'est plus dédié aux activités à l'échelle de la ZAD. Pendant que l'un va faire le pain, les autres vont faire du soin, de l'élevage, organiser la manifestation, la fête, enfin toutes sortes de choses. Ce qui est important aussi, ce qui structure vraiment la communauté de lutte, c'est l'assemblée des usages. qu'on a instituée il y a déjà plusieurs années, où on essaie de produire de l'intelligence collective et à partir de là, de faire des choix. Comment sont prises les décisions? Est-ce qu'il faut à chaque fois l'unanimité de l'ensemble des collectifs de la ZAD ou il peut y avoir des oppositions et puis des scissions ou d'autres prises de décisions? On essaie de les prendre au consensus. Le consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde aime la décision qui a été prise, mais ça veut dire qu'on sent qu'il y a une énergie qui tend vers une décision. Après, ça arrive aussi qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et alors, si vraiment il y a scission, on essaie de se dire, ben alors, c'est pas grave. En tout cas, s'il y a un groupe suffisamment large qui a envie de tenter la proposition qu'ils portent, eh ben, ils le font. Ils le font simplement pas au nom de tout le monde. Mais... Et puis parfois, on n'est pas d'accord. Hein, puis à ce moment-là, c'est toujours plus compliqué. Mais on essaie quand même, en tout cas, de prendre des décisions ensemble. Et en même temps, je pense qu'on commence à avoir une bonne expérience là-dedans. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même tous un peu acquis une culture de ça. Muscadet, papy, ou... Ouais. Il faut supplier. Ben, vous avez fait le bal de Souza? Pas encore. Ben, retourne la photo, la plaque, tu verras les dédicacés. Ah, c'est nos camarades de la pizzeria des Boussoles, hein, non? Ils sont venus nous voir, les camarades qui se battent là-bas, et donc c'est, comment on appelle ça, un cadeau de jumelage avec eux. Ils ont une pizzeria là-bas, puis nous on a une auberge. Petit Claude. Et puis ils sont venus une année nous soutenir et puis voilà. C'est... Alors oui, c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre les militants qui se battent depuis des générations contre le train à grande vitesse Lyon-Turin. Ouais. Et il y a un lien très fort avec Notre-Dame-des-Landes. Ouais, ouais. En tout cas, ce dont je me rappelle, Jojo, c'est quand ils sont venus nous défiler ce cadeau là. Alors ce cadeau, c'est quoi? C'est une faucille, un marteau, c'est ouais. L'emblème du Parti communiste. Je pense, oui, là-bas, oui, c'est l'emblème du Parti communiste. Ouais. C'est une sacrée bringue avec ouais. Eux, mais je me rappelle. La grappa, que... c'est vrai qu'ils nous avaient arrosé la grappa. Je suis sur la ZAD depuis un moment maintenant, au moins 25 ans. Je suis cuistot de métier, je travaillais dans des restaurants et tout, et puis j'ai trouvé une place dans une collectivité à Treillières. Donc ben, j'habitais en Vendée à ce moment-là, donc on est venu là pour le boulot. Et puis c'était un lieu qui était très calme et tout, on parlait très peu de l'aéroport, où quand ils en parlaient, il n'allait pas se faire, c'était pas la peine de s'inquiéter pour ça, donc on voulait un petit endroit tranquille, justement avec l'idée de s'auto-nourrir, de faire des animaux et tout. Donc. Et moi, je suis pas très consommateur, j'y étais, hein, mais... J'y suis plus maintenant, et enfin je suis consommateur quand même, je bois beaucoup de vin, je bois beaucoup de bière, c'est, on la fabrique pas encore sur place, mais je n'ai pas de télé, enfin il y a plein de trucs comme ça, mon téléphone, toi, c'est un vieux machin, il y a des gens, c'est le dernier qu'ils achètent à coût de 600 balles, enfin c'est désespérant quoi. Après ils peuvent plus lutter parce qu'ils n'ont plus d'espace, parce qu'il faut payer les prêts, il faut payer tout le bordel, et ben t'es niqué quoi. Et en 2000, ben, ils ont relancé l'aéroport, et donc ben, on a commencé à aller à des manifs, à rencontrer des copains qui étaient un peu plus engagés que nous, et puis ben, petit à petit on s'est mis dedans, et puis voilà, on s'est bien engagé là-dedans, nous on était contre l'aéroport, parce qu'il y en avait déjà un qui existait, et puis au niveau nature et tout, et puis surtout pour se battre contre l'État, pour se battre contre l'État, oui, pour essayer de vivre autre chose que ce qu'il nous impose tout le temps. J'ai pris part à la lutte contre l'aéroport en 2000, vraiment. La maison dans laquelle j'habite, ici, qui est juste à côté, mais qui fait partie de l'auberge, j'étais expulsable. J'étais locataire d'un propriétaire privé qui a vendu à l'État en disant que la maison était vide. Il y a eu plusieurs procès, on a eu des rallonges, quoi. Quand on s'est lancé dans la bagarre... il y avait des associations officielles, la CIPA, etc., etc., donc... on s'est rapproché de ces personnes-là et donc au bout d'un moment on s'est aperçu que c'était un peu trop légaliste pour nous. On était une équipe de copains, 4-5 copains avec nos épouses et on trouvait qu'ils étaient très bien pour faire des machins au tribunal. Mais soit bagarre, ils laissaient faire pas mal de trucs quoi. Donc nous ça nous a fait un peu peur. On s'est dit si on reste que nous et que ça reste légaliste, vu la violence de l'État en face... il n'y aura aucune chance de gagner la lutte. Donc, à un moment donné, on a décidé de faire un appel à venir occuper les lieux qui avaient été achetés par Vinci et puis occuper les maisons qui étaient vides pour pas qu'elles soient détruites parce que Vinci détruisait les maisons au fur et à mesure qu'il les achetait. Donc, on a fait un appel au camp climat qui s'est fait en 2009, je crois. En 2009, le camp Action Climat marque un tournant. Pour la première fois, pour demander à des gens de venir, on a fait un appel vraiment de la France, de l'Europe, de venir occuper les terres. Et donc cet appel a été entendu par des personnes. Une sorte de festival des luttes, avec débats, concerts, animations, contre l'aéroport, mais également contre son nom. Et les premières personnes sont arrivées juste après 2009. Quoi. Moi j'habitais dans un espace autonome, autogéré à Dijon. Benoît. J'ai commencé à venir ici parce que ce combat me touchait, m'intéressait, et aussi parce que j'avais des amis qui font partie des premières à avoir répondu à cet appel-là. Et du coup, voilà, avec des gens de Dijon, d'autres endroits, on a commencé à penser que ce serait intéressant qu'il y ait peut-être des installations qui se fassent un peu moins discrètement, mais qui soient plus assumées politiquement par des mobilisations rejoignables sur l'idée que il y avait un aéroport qui allait se construire, des terres agricoles qui étaient menacées ici sur 1650 hectares de terres, que c'était pas possible, que c'était pas acceptable et qu'il était légitime et nécessaire de venir s'installer sur ces terres pour continuer à les cultiver, pas les laisser s'enfricher et l'aéroport se construire après et continuer à habiter ce territoire et tisser des liens entre ce qui serait notre génération arrivant sur la ZAD et les générations qui menaient ce combat depuis des années, notamment de paysans impactés par le projet d'aéroport. On s'est bien organisé avec eux, quoi. Au début, c'était un peu, fallait apprendre chacun sa vie, quoi, parce que j'étais plutôt dans la société avant d'arriver ici. Les personnes qui arrivaient sur la ZAD étaient un peu plus autonomes et tout ça, donc on s'est apprivoisés les uns les autres. Et après, j'ai rencontré des personnes comme Jojo qui sont venues là nous aider, et puis on s'est bien entendu, on a été copains et tout, donc on a beaucoup travaillé avec ces personnes-là, quoi. Donc on les a aidés à s'installer, ils nous ont appris plein de choses. Quand il y avait les flics ou des trucs comme ça qui arrivaient, il y avait plus de, on était vraiment solidaires, quoi. Donc avec ces organisations officielles et puis les personnes qui sont venues, qui étaient un peu plus radicales, on a réussi à faire un rapport de force contre l'État qui était assez fort, quoi, pour leur faire peur. Donc en 2012, ils ont décidé de virer la ZAD. Donc. En fait, en 2011, on s'est dit, on ne sait pas quand, mais dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, ils vont venir nous expulser. Il ne faut pas qu'on soit impuissant et on va chercher à se donner un coup d'avance. Et ce qu'on a imaginé à l'époque avec quelques personnes de différents endroits en France et des personnes qui habitaient sur la ZAD, c'était de dire on va annoncer une manifestation de réoccupation où on dira, quel que soit ce qu'on a appelé une manif à date flottante, c'est-à-dire quel que soit le moment où ils vont venir expulser, que ce soit l'automne prochain, l'automne d'après, eh ben on annonce que le 4e samedi après le début de toute opération d'expulsion, on reviendra sur la ZAD et on reconstruira. Et voilà, on a bossé sur cette intuition-là pendant 1 an régulièrement, en essayant de former ce projet de manif et en se préparant aussi sur place, notamment les gens qui habitaient ici à la possibilité d'expulsion, en mettant en place une radio pirate, des réseaux Toki, des reconnaissances du bocage, des manières de s'habituer à se déplacer en groupe, des équipes médicales, légal, etc. Enfin, ce qui fait des espèces d'infrastructures logistiques et humaines et de soutien qui permettent de résister un peu, de se sentir un peu nombreux, un peu entraînés face à la police. Et en même temps, on bossait sur cette manif de réoccupation. Et mine de rien, quand l'opération César a commencé, c'est-à-dire quand le 16 octobre 2012 au matin, il y a des centaines de policiers, camions de gendarmes qui ont occupé toutes les routes du bocage, écrasé les salamandres. C'était le début de l'automne, c'était ces nuits où les salamandres sortent. Et bref, on était le 16 octobre au matin, et là on a commencé à résister. On était en fait beaucoup moins nombreux, même si des gens étaient venus de différents endroits du pays, on était quand même beaucoup moins nombreux que les policiers qui nous attaquaient. C'était l'automne, il faisait un temps abominable. Et du coup, ils s'attendaient à ce qu'après avoir détruit un certain nombre de nos maisons, ils arrivent à nous balayer. et à ce qu'on parte et à ce qu'on abandonne. Et on a commencé à nos maigres moyens, mais avec une quand même forte détermination, à appeler du monde à nous rejoindre et nous à construire des barricades sur les routes, pour certains à se hisser en haute cabane dans les arbres qui nécessitaient que des gens viennent grimper pour les expulser, à lancer quelques projectiles sur la police pour les repousser, au moins créer un rapport de force qu'ils ne se sentent pas bienvenus partout. Et les historiques, les paysans historiques, en voyant qu'on résistait, en voyant qu'on se faisait détruire nos maisons, on dit ben en fait vous êtes fait détruire nos maisons, ben, venez dans nos fermes, dans nos granges, on vous accueille. On a commencé à appeler les gens, à dire ben nous on est sur place, on n'a plus rien, on n'a plus de maison, on est dans des granges, est-ce que vous pouvez nous aider, nous ravitailler en piles, en chaussettes, en chocolat, en... voilà. Et ce que énormément de gens ont fait, notamment parce qu'ils ont été touchés par la vision de la destruction des vieilles maisons en pierre, des jardins, enfin cette espèce de destruction absurde pour un projet d'aéroport d'un autre temps. Et petit à petit, on a résisté aussi parce qu'on avait en tête qu'on avait cette date du 17 novembre, un mois après le début de l'opération d'expulsion, à laquelle on avait vraiment convié tout le monde à revenir, à faire une manif de masse pour faire le geste à la fois symbolique, mais pas que symbolique, très concret, de reconstruire après un mois d'attaque policière. L'opération César a permis à chacun de se rendre compte de la force que constituait l'autre composante. Et pas d'être exclusivement dans un rapport de défiance et de dire « Ah, vous faites des recours juridiques, nous on fait des barricades, vous êtes des paysans » et puis chacun se regarde en disant « C'est ma méthode qui marche et pas celle de l'autre ». Quand les flics y pointaient leur nez, boum, ça faisait un corps et ça venait de partout, quoi. Quand t'as une violence, que l'État balance une violence tellement violente, je sais pas si ça se dit, que à côté, je trouve que c'est pas si violent que ça quoi en face. Hein. Acheter un caillou sur un flic, c'est pas quand les autres ils ont des flashballs et puis qu'ils tirent dans la gueule. Enfin, c'est une violence qui répond à une violence. Hein. Sinon, enfin, si t'es décidé, ils peuvent pas faire grand chose. Hein. Tu peux tourner dans tous les sens, ils l'ont eu dans le cul. Hein. Pendant que nous, on résistait chaque jour dans le bocage, sous la pluie, et qu'on essayait chaque jour de faire reculer la police ou de les ralentir, de tenir aussi jusqu'à la date de la manif de récupération, il y a des gens qui bloquaient les péages Vinci, qui sabotaient des chantiers, qui allaient peinturlurer les permanences des locaux du Parti Socialiste à l'époque, puisqu'on était, c'était, en fait, il y avait un gouvernement socialiste nouvellement élu, et c'était sa première opération symbolique répressive qui d'ailleurs divisait une partie de ses propres électeurs. Et beaucoup de gens, en fait, qui n'étaient pas du tout concernés par ce projet d'aéroport, parce qu'ils habitaient à des centaines de kilomètres de là, mais qui se sentaient concernés en soi par la bétonisation du monde, le réchauffement climatique, la destruction des terres agricoles à côté de chez eux, se sont mis à se retrouver dans cette histoire-là, qui était très locale à la base. Et voilà, c'était absolument passionnant. Et effectivement, à un moment, la situation s'est réellement renversée. C'est-à-dire qu'une semaine après la manif de réoccupation, l'État a cherché à se dire « Ok, on y retourne, on expulse la ZAD ». Et ils se sont plantés parce qu'ils se sont attaqués à quelque chose qui était devenu un symbole. Et l'État, à ce moment-là, si ce n'est capitulé, en tout cas mis une fin officielle à l'opération d'expulsion en assumant qu'en fait, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et après, c'est ouvert ce que une espèce de phase temporelle et politique très, très particulière. On a vécu sur un territoire à l'intérieur de l'État, de la République française, dans lequel... les institutions d'État, sa gendarmerie, sa justice, ses formes économiques, ses plans locaux d'urbanisme, ses permis de construire, de cultiver, n'avaient quasi plus prise. L'État attendait le bon moment pour retenter de revenir expulsif. C'était planté une fois de manière magistrale. Enfin, tout le pays l'avait vu. C'est le moment où Manuel Valls parlait du kyste, etc. Et là, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Du coup, entre 2012, le moment où l'État se retire, enfin, il maintient une espèce d'occupation militaire des carrefours, mais en gros, il admet sa défaite, et 2018, qui est le moment où il renonce définitivement et où c'est l'abandon officiel du projet d'aéroport. Enfin, pendant 6 ans, il a fallu maintenir un port de force qui était pensé dans une espèce quasi d'urgence permanente, sachant qu'ils ont tout essayé. Hein. Ils ont aussi été jusqu'à un moment où ils voyaient qu'ils perdaient pied dans le fait de justifier le projet d'aéroport et qu'il fallait lui redonner une espèce de vernis d'assises démocratiques comme ça. Ils ont tenté de faire ce qu'ils ont appelé la consultation, une espèce de référendum. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils font... ils se donnent les moyens de gagner, ils n'ont pas les mêmes que nous, c'est-à-dire déjà ils choisissent le périmètre qui leur semble le plus propice à obtenir un vote favorable. Alors est-ce que c'est la région, le département? Et à ce moment-là, il y avait effectivement une partie des associations qui disaient « Ah oui, mais bon, en même temps, c'est un référendum, on peut pas juste nier que ça existe, on peut pas juste le boycotter ». C'est aussi une tribune. On va aussi essayer que les gens maintiennent leur nom contre l'aéroport, tout en disant quand même que c'est sacrément biaisé. Nous, depuis le mouvement d'occupation, on a fait, ok, si vous voulez tenter de, voilà, de participer au sens d'essayer d'obtenir un vote en faveur du non, allez-y, nous, c'est pas trop notre truc. Mais en gros, quand même, pendant des mois, on a expliqué que ce vote et les moyens pour l'État d'obtenir ce qu'il voulait n'étaient pas corrects. La manière dont nous, dont des dizaines de milliers de personnes, on est attaché à ce territoire, qu'on y vit, qu'on le cultive, qu'on maintient des liens avec, est-ce que c'est pas différent de quelqu'un qui se contente de mettre un bulletin dans une urne? Et ce qui a été fou, c'est que, en fait, l'État a remporté, enfin, les pro-aéroports ont fini par remporter le vote. Et là, ce qui s'est passé tout à fait inattendu, c'est que la salle, d'une seule voix, s'est mise à chanter ensemble que la lutte continuait et qu'il n'y aurait jamais d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ça, ça a été un problème pour le gouvernement. Cette lutte se poursuit dès ce soir. 27 juin 2016. Nous n'allons pas cesser d'habiter, de cultiver et de protéger ce bocage. Nous appelons tous les soutiens et comités partout en France et au-delà à se mobiliser dans les semaines à venir. Résistance ! Résistance ! On lâche rien, on lâche rien ! On n'a pas perdu ce soir, on n'a pas perdu. Non. Les gens ont compris. Ils ont voté oui au transfert. Mais ça veut dire qu'ils ont renforcé la ZAD. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de gens qui vont venir défendre les jeunes qui sont sur la ZAD, là, et on aura encore plus de ZADistes sur le secteur. Et puis, roule ma poule, et puis on va continuer. Alors nous, on ne savait pas très bien ce qu'on réussirait à obtenir. Et en fait, vu qu'on ne s'entendait absolument pas sur les bases de négociation, que nous-mêmes, au sein du mouvement, avait aussi des visions très différentes entre des gens qui estimaient qu'un certain cadre légal était possible, qui pouvait nous servir de protection, et que d'autres disaient, à partir du moment où on touche à toute forme de cadre légal, quasi, voilà, on est un peu perverti, et puis ça va être la dégringolade. Donc il y a une délégation qui s'est formée, avec toutes les composantes du mouvement, des grandes lignes sur lesquelles, on va dire, peut-être plus de gens, en tout cas, semblaient s'entendre, et qui étaient celles d'un éventuel, effectivement, bail collectif, les terres ne partent pas à l'agrandissement, on veut pas des signatures individuelles, etc. Sauf que l'État ne l'entendait pas de cette oreille-là, et on n'a pas pu éviter, malheureusement, d'avoir une seconde opération d'expulsion, que pour le coup, des gendarmes au plus haut niveau préparaient depuis des années et des années. Cette fois, ils sont pas revenus avec 1200 policiers, comme lors de la première opération, mais plusieurs milliers, et puis des tanks, des drones, des militaires qui s'étaient entraînés entre-temps, et ça a été un bras de fer très dur. Et voilà, et à un moment, il y a une espèce de statu quo. L'État a dit, bon, si vous voulez pas qu'on continue, qu'on revienne expulser, il y a eu un ultimatum, il va falloir que vous signiez des fiches individuelles avec des projets agricoles. On n'a fait pas question, en même temps, on n'avait pas envie qu'ils reviennent. On a refusé le format de fiches individuelles, et en même temps, la plupart des lieux qui étaient restés debout ont remis un dossier collectif, mais où, en fait, c'était quelque chose, on disait, bah, regardez, tous, on vous le rend ensemble, c'est quelque chose de collectif, on est entremêlés, indissociables les uns des autres, et en fait, c'est pas du tout que des projets agricoles, et ce sera comme ça. 12 février 2018. Il est à qui, il est à nous. Nous, on continuera à gérer ce territoire, à le protéger, à le faire vivre. Et on continuera à faire des expériences sociales, agricoles, environnementales et écologiques. Il n'y a pas de raison que ça change. Nous, on a toujours géré ce territoire bien mieux que n'est capable de le faire l'État, et on continuera à le faire de cette manière-là. Le gouvernement a abandonné le projet en essayant de, au passage, récupérer une victoire médiatique. Enfin, moi, je pense que c'est une des analyses qu'il faut avoir pour bien comprendre ce qui s'est passé en 2018 ici. Baptiste. C'est-à-dire que l'enjeu, il était pour eux d'apaiser une situation qu'ils avaient du mal à contrôler, et au passage de reprendre pied dans un discours où l'État semble fort, où il a raison sur tout. Et du coup, ce qu'ils ont mis en place, ça a été tout un stratagème pour petit à petit amener au récit qui fait penser qu'il ne reste que 15 agriculteurs et plus rien de la beauté et la magie de ce qui se vivait depuis de longues années. Ils ont pas du tout assumé quelque chose d'exception dans ce territoire. En gros, il y a un plan local d'urbanisme qui dit qu'est-ce qui peut être construit à tel endroit. C'est un aéroport pour les autorités. Et donc le jour où le gouvernement dit ce n'est plus un aéroport, dans le plan local, les élus locaux disent bon bah c'est plus un aéroport, pas de problème, c'est une zone agricole comme partout ailleurs. Du coup, aucun rapport à la réalité du territoire, quoi. Nous, malgré le moment un peu compliqué, on arrive quand même à sortir un truc de 50 pages qui explique que c'est bien autre chose qu'une zone agricole. On n'est peut-être pas tout à fait dans les cases du plan local d'urbanisme, qui de toute façon ne nous a pas pris en compte, mais on est largement au-delà dans une réflexion territoriale, quoi. Et c'est ça qui bloque, parce que ça fait des espèces d'aller-retour entre nous, les municipalités qui sont garantes de ce droit, et la préfecture qui a fait ce choix en tant qu'État, le conseil départemental qui est le propriétaire. Et donc là, on est dans cette espèce de moment où ces choses se discutent, et l'État a plutôt tout mis sous le tapis, hop. Et les PLU, c'est pourtant normalement à l'échelle de la commune, donc vraiment très très proche des gens et de la réalité. Amélie. Mais il y a plein de mécanismes qui existent qui font que, en fait, maintenant, c'est plus les communes, c'est l'intercommunalité qui prend les décisions. Et on va élaborer ensemble un seul et unique document avec quatre zones. Il y a quatre zones différentes. La zone urbanisée, la zone naturelle, la zone agricole et la zone à urbaniser. C'est tout. Et là-dedans, on va faire rentrer la vie des gens, quoi. Moi, l'intérêt que je vois dans le fait de me battre avec les outils d'ici et la commission Habitat, c'est de retrouver la possibilité de vivre comme on a envie de le faire, et avec tout ce que racontait Baptiste, d'attention en fait, et de pas se référer à un document qui vient d'ailleurs, qui n'y comprend rien, et en fait qui nous déresponsabilise, nous éloigne de notre propre capacité à regarder là où on habite, à comprendre pourquoi on aime un endroit, pourquoi on s'y investit, et qui se met du sens quand même dans ce truc d'habiter. On a l'impression qu'il y a une espèce de dialogue de sourds, une espèce de refus de la réalité, quoi. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut ouvrir pour pouvoir avancer, quoi. En fait, tout ça est très symbolique à plein de moments aussi. C'est plus on reconnaît aux gens qui ont vécu sur la ZAD avant et après abandon, même si ça rentre dans le droit, plus on leur reconnaît le droit d'y vivre vraiment, pleinement, entièrement, plus symboliquement ça lance un message. Et moi, je pense que c'est ça qui freine le plus. Parce que sinon, c'est des détails juridiques, en fait, le reste, quoi. Et il y a des solutions, il y a plein de choses qui existent. Roxane est fraîchement arrivée à Notre-Dame-des-Landes, opérant une rupture radicale avec la Startup Nation dans laquelle elle évoluait. Avec Jean-Marie, un vieux de la vieille, il pose les fondements d'un nouveau lieu, l'école des Tritons, sorte d'université naturaliste de formation et de découverte du vivant. Vous, comment vous avez débarqué ici ? J'ai vécu longtemps à Paris et j'étais vraiment aux antipodes de l'univers de la ZAD. Moi, j'ai bossé dans ce qu'on pourrait appeler la Startup Nation. J'ai accompagné des grandes boîtes et aussi le secteur public sur des programmes d'innovation et avec beaucoup de désillusions sur à quoi pouvait servir cette innovation. Et je crois qu'à un moment, je me suis épuisée d'avoir envie donc de croire que je pouvais changer le système de l'intérieur, et j'ai senti que j'avais besoin d'aller me colter à d'autres choses et d'affûter mes convictions et de me poser sur une forme de radicalité pour pouvoir peut-être ensuite y revenir d'une autre façon et insuffler d'autres choses, quoi. La plupart des gens qui viennent ici, qui sont de passage ou qui restent ici, c'est des gens ultra formés, en fait. Non ? C'est un mélange. C'est assez drôle de se faire qualifier comme une lutte de surdiplômés, c'est pas ce qu'on disait d'habitude, quoi. Enfin, y a eu beaucoup de présentations de la ZAD comme une lutte ultra-violente de punk à chien drogué. Toutes les combinaisons se présentent sur le terrain, en fait. Je crois pas que ça compte tant que ça. En revanche, moi, ce que je trouve important aussi, c'est que il y a quelque chose de l'ordre de... Peut-être qui est invisibilisé, c'est... Ben, en fait, effectivement, quand tu as des diplômes, tu as un capital social, tu as un patrimoine en fait, d'études qui peut te permettre de ressortir ou de re-rentrer, entre guillemets, facilement. Et ça, c'est un privilège dont il faut avoir conscience. La lutte des classes, elle se joue à cet endroit-là aussi. Et donc, c'est important que ce ne soit pas invisibilisé, je pense, entre nous. Et alors, l'avenir, on l'envisage ou alors on vit au jour le jour ici ? C'est-à-dire, on envisage de vieillir ici ? Pour moi, c'est assez évident d'envisager de vieillir ici. Enfin, l'expérience prend son sens en envisageant de passer du temps dessus et non pas de vivre l'endroit ni comme une colo où on va vivre l'aventure parce qu'on est jeune, ni à un endroit où, après une longue vie de profit, on va se donner l'impression de vivre dans la nature, quoi. Ça trouve son sens si on peut vivre ici à tous les âges. C'est pour ça qu'on met tous ces efforts et que le mouvement s'engage pour la reconstruction. La volonté, c'est d'habiter autrement cette zone et de continuer la lutte par tous les moyens. Je pense qu'on reste en prise avec l'extérieur. On n'essaye pas de créer un îlot qui serait préservé ou qui se targuerait de vivre différemment et selon des principes qui lui semblent le meilleur en se coupant du reste pour le faire. De mon point de vue, je fais souvent la différence, mais on n'est pas en train de créer une oasis, quoi. Enfin, dans le sens où qui serait autosuffisante, mais par volonté aussi peut-être d'être en coupure avec l'extérieur. L'autorité, on se bat pour nos idées, la force de vie. Et de notre côté, pas de parti politique, personnalité authentique. Le système nous rend malade, pas de bol qu'on nous balade. Tous les hommes, costards hypnotisés par le pouvoir. Sachez que la résistance se fait avec les anges. On élève quoi qu'il en coûte nos barricades sur vos routes afin que vous puissiez comprendre que la vie n'est pas avant. On est où ici, Darène? Là, on est dans le champ du Rouge et Noir. Donc il y a un jardin collectif, un potager collectif. Puis là, on arrive à Bollywood, quartier des Fosses Noires. C'est moi. Alors c'est quoi Darlene Bollywood? C'est un lieu d'habitation. Du coup c'est un dôme où je vis depuis plusieurs années et là on est trois à cohabiter dedans. Trois filles. Parce que c'est mieux avec des filles. Parce que c'est plus simple la vie. C'est plus cool. On a décidé qu'on habiterait plutôt qu'entre meufs. Ça veut dire quoi s'installer dans une ZAD? Ça veut dire qu'on renonce à quelque chose pour autre chose? C'est une extraction de la société? C'est quoi? On peut dire que c'est une forme d'extraction de la société en quelque sorte, mais je pense pas qu'on renonce à des choses parce que plutôt on en gagne énormément. C'est une forme d'extraction parce que ça reste peut-être une bulle un petit peu spécifique où tous les domaines de la vie sont questionnés et sont conscientisés. Du coup, ça change, je pense, du monde dans lequel on a l'habitude de vivre. On peut avoir des envies égoïstes, mais on a le sentiment qu'ici, on n'a pas le droit d'en avoir parce que ça trahirait, entre guillemets, le sens commun de tous les gens qui viennent ici. Parfois, on a envie de, je sais pas, de faire des trucs un peu plus de nos vies personnelles, enfin peut-être de rattraper le temps. Il y a parfois des choses que moi j'ai envie de faire que j'ai pas faites avant et que je me dis ah mais maintenant j'ai envie de penser à des trucs pour moi et parfois ça c'est difficile de tout le temps penser au collectif quoi. Enfin, par exemple. Je sais pas, maintenant j'ai envie de faire du piano par exemple. Du coup il faut prendre un peu de temps pour le faire quoi pour soi. Mais je crois que ce qui est important, c'est que tout le monde s'y retrouve, autant dans son monde personnel que dans une pensée collective. Prendre soin de soi, ça fait partie de nos objectifs politiques. Alors, pour vous, Manu, comment on résiste à ce qu'on est, au fond, des êtres sociaux, avec des désirs et des envies qui sont aussi parfois dictés par l'environnement, par la société. Mais comment on fait pour résister à tout ça? Mais j'ai l'impression de renoncer à tellement moins de choses que quand je vivais en ville, quoi. On a une vie ici qui est riche, qui est une vie incroyablement riche. La vie sociale qu'on a ici, les liens forts qu'on entretient avec les gens, c'est une richesse incroyable. Et y compris parce qu'on l'a vécu dans des moments difficiles, la confiance que ça crée entre les gens, c'est irremplaçable. Et sur la ZAD, on fait pas que des réunions, il y a plein de moments festifs. On organise plein de concerts, il y a des auberges, il y a des banquets, la sociabilité, elle est hyper importante pour nous. On ne conçoit pas de vivre ici sans faire la fête tout le temps, et on fait des fêtes incroyables. Alors comment vous faites, vous, Darlene, pour à la fois allier votre vie ici et vos envies personnelles et très personnelles? Pour ça rien, pour l'instant c'est bien, pour l'instant c'est riche, effectivement, c'est chouette ce qui se passe. Et puis si à un moment ça tourne trop en rond, peut-être je ferai aussi un peu autre chose. Peut-être que je partirai un moment, peut-être que j'irai voir ailleurs. En vrai, on continue à avoir des amitiés ailleurs, de faire des allers-retours, de faire des projets avec d'autres gens ailleurs, dans d'autres dans notre cercle, plus ou moins militant. Et du coup, ça fait que il y a d'autres intérêts et c'est chouette comme ça, quoi. C'est possible d'envisager un jour un retour dans le monde majoritaire? Moi, j'ai fait un pas de côté à 15 ans quand j'ai réalisé que le monde était vraiment trop dégueulasse pour avoir envie de m'y intégrer. En vrai, j'ai quand même un travail. Je travaille une bonne moitié de l'année. Je fais des allers-retours. Je trouve ça hyper important de faire des allers-retours. J'ai aucune envie de travailler à temps plein. J'ai aucune envie de sortir de la vie en collectif. J'ai aucune envie de me résigner et de gagner plein d'argent. Voilà, on vit une vie tellement passionnante ici. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun sacrifice à vivre ça. Il n'y a que du bonheur quasiment. Quoi. Alors vous faites quoi le reste du temps? Tu crois l'histoire géo. Ça tombe bien parce que j'ai l'impression que c'est une activité qui pour moi continue à être politique. Et c'est assez fou parce qu'en fait, c'est, enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mon activité salariée, pour moi, c'est la chose la plus reposante dans ma vie. C'est simple, c'est cadré, c'est normé. Ça nécessite évidemment plein de remises en question tout le temps, mais c'est moins épuisant émotionnellement que vivre ici. C'est moins stimulant aussi. Voilà. Et les deux, pour moi, font un mélange qui est hyper agréable, qui est hyper enrichissant. Ouais. Moi, je me suis dit, je vais venir à Notre-Dame-des-Landes et je me suis dit, tiens, je suis sur un des chemins de ces utopies. Quelle définition vous donnez à l'utopie? Moi, j'aime beaucoup la définition d'Eduardo Galeano. Isabelle. Qui dit, en fait, plus on marche et plus l'utopie s'éloigne. Parce qu'en fait, l'utopie, c'est ça. L'utopie, c'est un horizon et c'est le chemin qu'on parcourt. Pour moi, c'est une magnifique définition qui correspond assez à mon expérience ici. Je sais que t'es pas comme ça. Tu n'affectionnes pas simplement la faune, mais t'ambitionnes d'étendre la zone. Non, c'est pas parfait, c'est pas doux, c'est certainement rêveur, oui, enfin c'est pas doux, si, il y a plein de moments très doux ici, ça a pas ce côté doux et rêveur, un peu benêt, non, c'est pas du tout ça, il y a beaucoup de rêves dans tout ce que ça a de puissant et de vitalisant, mais c'est vraiment le chemin qu'on parcourt, l'utopie elle est toujours en lutte contre quelque chose. C'était Génération ZAD, Notre-Dame-des-Landes après la victoire, le laboratoire, avec Benoît, Pauline, Camille, Greg, Michel, Baptiste, Amélie, Isabelle, Manu, Darlène, Petit Claude et Jojo. Je suis peut-être très naïve, peut-être vous m'interrogez sur une journée où je suis particulièrement de bonne humeur, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose en profondeur qui est en train de bouger. Réalisation Marie-Laure Ciboulet, mixage Olivier Dupré, coordination Perrine Kervan et Marie-Vanna Bolivier, un documentaire d'Alain Lefkovitch, assisté de Philippine Rouvière-Flamand pour la série documentaire. Mais cette idée qu'il faut absolument atteindre le plus grand nombre et qu'il n'y a que ça qui va faire que les choses elles vont changer, c'est pas un modèle qui me parle et je pense que c'est quand même beaucoup en rendant les manières plus juste de faire désirable qu'on va y arriver. En tout cas, je suis persuadée que c'est pas par la culpabilisation, par le défaitisme, par le catastrophisme qu'on va y arriver, et c'est pas non plus, je pense, en essayant d'être le plus convaincant possible avec plein de chiffres et plein de faits. C'est vraiment en allant chercher le désir. Le désir, il se trouve pas dans les stats, quoi. Le désir, il se trouve dans les manières de faire qui sont plus exaltantes. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter pendant la traite, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Anaïs Morales et Alice Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, Notav, la ZAD à l'italienne. Mais en attendant, restez à l'écoute.